un certain bout de ma vie. Vivre à 100 000 à l'heure, dans la tête de Louis Bélanger. Je continue, je pense, à faire du cinéma d'auteur, c'est-à-dire que je suis maître d'œuvre. Je contrôle le genre de cinéma que je veux faire puis comment le film va se faire. L'architecte qui a fait notre polyvalente, c'est le même qui a fait la prison d'Orsainville. Tous les talents d'ici, une seule adresse. Après, faut pas se demander pourquoi on cherche toujours à s'évader pour foxer nos cours. Lafabriqueculturelle.tv. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif, plein de bonne musique, vous vous en doutez. 2 heures donc qu'on peut relaxer et découvrir. Je vous invite à vous installer confortablement. Ce soir, on va commencer avec Anecdoton, parce que pour moi, ce soir, ça couronne... de longs mois de négo et de toutes sortes de choses et de tracas pour finalement aboutir avec la programmation complète de la 16e édition du Festival Terra Incognita. Et vous aurez compris qu'on va avoir des visites rares avec Anecdoton qui vont présenter non pas un, mais 2 concerts. Un le vendredi soir 15 mai qui sera entièrement consacré à leur 2e album. C'est le 25e anniversaire de Nucleus. Et ils vont jouer l'album intégral et nous servir en bonus quelques pièces de V-Mod, l'album culte. Je pense que ça va être une soirée mémorable. Et c'est la formation norvégienne 35 Tapes qui va ouvrir cette soirée. Le lendemain, on va avoir... Écoutez, on va commencer avec Anecdoton, puis je vais vous dévoiler ça tranquillement de la programmation complète. Et on y va avec Anecdoton. We'll be right back. segnato da un mare rabbioso che dietro di sé ha lasciato urla e pianto e deserti di fango con migliaia di anime dentro. L'arcobaleno non sorgerà ancora, non può spezzare il tetto di nubi. E quando questo inferno sarà tornato indietro, avremo ancora tempo per rinascere dal niente, guardare l'orizzonte. Sopra il sangue, per non dover dire un giorno che era ormai tutto finito, ma che c'era ancora tempo per rinascere dal niente, guardare l'orizzonte.

On va jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Et ce qui avait bouclé le premier bloc musical, c'était une formation britannique, mais c'est plutôt britanno-suédoise, qui a pour nom Thief Kitchen, de leur plus récent Genius Lucky. Avant, on avait une exclusivité, je pense que vous connaissez, de Samurai of Prague. Eh bien, deux des membres du groupe nous préparent quelque chose pour le mois de janvier. Ça va s'appeler Bernard and Percy. Au lieu, c'est ceux qui vont probablement associer de Samurai of Prague. Il y a beaucoup, comme d'habitude, mais ça sonne beaucoup, évidemment, Samurai of Prague. C'est juste parce que le guitariste ne fait pas partie des sessions. Et ils ont préféré garder un autre nom plutôt que choisir un autre nom plutôt que de garder là, de Samurai of Prague. Et vous le savez, Samurai of Prague, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invités. Et pour ce nouveau projet qui aura pour titre Gulliver, il y a beaucoup, beaucoup d'invités italiens. Certains qu'on connaît, dont Luca Scherani, le grand arrangeur pour Fabio Suventi. Il va y avoir aussi ça. Écoutez, là, je vais essayer de me relire sans lunettes. Oui, il y a le claviériste de Il Trono di Ricordi, Alessandro Lamuraglia, qu'on n'a pas entendu parler depuis Belle Lurette. Et il y a aussi le chanteur de Museo Reisenbach. Donc, beaucoup de beau monde pour ce disque qui aura pour titre Gulliver. Et on a eu la chance d'en écouter un extrait, une première pièce qui a été composée d'ailleurs par le claviériste d'Il Trono di Ricordi, un vieux groupe italien dont malheureusement ils ont signé seulement un seul album dans les années 90. Et avant, on avait écouté La Maschera di Cera parce que, oui, ce que plusieurs fans de Fabio Suventi espéraient va se concrétiser en mai au Centre d'art La Chapelle. La Maschera di Cera va revenir en concert après 10 ans d'absence. Donc, c'est un beau retour pour La Maschera. Il y a même un album en studio qui devrait être lancé dans le cadre du festival Terra Incognita. Donc ça, on vous tient au courant. C'est des belles nouvelles, et surtout que il y a des membres qui se sont ajoutés, et c'est des membres du Z-Band qu'on a eu le bonheur de voir à Québec, et on le sait que c'est des musiciens de haut calibre. Donc moi, j'ai des gros espoirs sur ce nouvel album qu'on aura en mai prochain. Et on avait donné le coup d'envoi avec Anecdata, une formation suédoise légendaire qui va nous visiter, et oui, le 15 et le 16 mai, deux concerts, événements, parce qu'on peut, on le sait que, je pense que la dernière fois que je les ai reçus à Terra Incognita, ça doit faire 5 ans. C'est pas des sorteux, comme on dit, mais là, on les a, et puis on va en profiter. On va continuer en musique, je veux pas trop... on va continuer avec, attendez un peu, une nouveauté française, un groupe qui a pour nom Nine Skies. Eux aussi ont une petite tendance Samurai of Prague, c'est-à-dire inviter pas mal de musiciens. Et sur la pièce qu'on va écouter, il y a Clive Nolan au clavier. Donc, Nine Skies de l'album Sweetheart Grips. Oh, Thank you.

c'est un de mes groupes préférés british, là. Sanguine Homme, Now We Have Light. Franchement, ce groupe-là a un parcours impeccable et puis je me lasse pas. C'est vraiment... Des fois, je suis quasiment tenté de dire que c'est ma formation britannique préférée, contemporaine. Mais on va dire une de mes formations préférées. On va rester comme... pas équitable, je cherche là. Il y en a d'autres bonnes, c'est pour ça que je veux pas être trop drastique dans mon... Enfin, bah, écoutez, tout justement, en parlant de britannique, il y a la formation franco-britannique Drifting Sun de leur plus récent Planet Junkie. Ça nous venait aussi d'Angleterre, Guranfo. Je vais vous l'appeler G-U-R-A-N-F-O-E. L'album a pour titre Sum of Erda. Et on avait donné le coup d'envoi avec Nine Skies, formation française, de leur plus récent album Sweetheart Grips. Je vous rappelle que c'était Incognita jusqu'à minuit et ce soir, exceptionnellement, c'est Jacques et Michel. Bruno, on l'a perdu dans les brumes. Donc, Jacques est resté et on n'est pas perdant pour autant. Je m'ennuie pas de Bruno, là, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça qui arrive à 10 heures, mais rendu à 11 heures, je pense qu'on l'a perdu. On continue. Donc, c'est Jacques qui a eu l'amabilité de prendre la relève ce soir. On continue en musique. Donc, avec ça, c'est une réédition. Ça nous vient de Norvège. Probablement que certains vieux fans de prog des années 70 vont se rappeler de Rufus. Depuis quelques années, le leader de White Willow fait des remasters de ce groupe norvégien et on en est au troisième. C'est le troisième album qui a pour titre Let Your Light Shine. On écoute un extrait de cet album remasteré, comme on dit en bon québécois, et bien d'autres choses jusqu'à minuit. Cross down lines with a twisted smile. so hard to make it sound. You don't think twice about the crowd. You know that you are always right, without a doubt or second sight. Coming much too slow, you cannot help it feeling low. Can't help it feeling low. 89.1. CKRL. Québec. La vie est si fragile, on a des exemples à tous les jours. Puis moi, j'ai envie de faire de la musique pour laisser un petit univers joual, un petit univers de fierté. J'ai le goût de laisser les marques d'un jeune homme actif auprès de sa communauté, des gens de son peuple. Puis ce refrain-là, c'est vraiment un adage pour que je continue dans ce sens. T'as raison, arrêtons de se prendre la tête. Candy, can't you see que je suis candidat, candidu, toi, quand tu me vois pleurer de joie. La vie est vide de sens ici, on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. Émile Bilodeau et son amour de la vie à Senti Secret, mardi 19 novembre à 13h30. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy et au Clap Loretteville, L'art du mensonge, Charlie et ses drôles de dames et Ford contre Ferrari. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma! De retour... J'aime ça, ces petits accords-là, pour m'introduire. Oui, on va jeter un petit coup d'œil en arrière. Il y avait Lucy in Blue. Ça nous vient de Norvège. Correction. Ça nous vient plutôt d'Islande. C'est paru sur une étiquette norvégienne, mais c'est un groupe islandais. Et on avait tout juste avant Sons of the Tundra. Ça, c'est un petit côté un peu là, punché de l'album Murmuration. Il y avait, on avait commencé avec, là c'est vrai que ça vient de Norvège, Rufus Let Your Light Shine, une réédition de leur troisième album. La compagnie Charisma est en train de tout rééditer le catalogue disque par disque, et c'est Jacob Home Lupo de White Willow qui fait tout le remastering de tout ça. Et je pense qu'ils ont vraiment l'intention de passer au travers tout le catalogue, même si les derniers étaient un peu, bon, coup-ci, coup-ça, c'est pas recommandable, mais bon, je pense qu'un coup parti, ils vont tout le faire. Dernière demi-heure, c'est Jacques et Michel avec vous ce soir. Écoutez, je me fais plaisir parce que c'est quelque chose de symbolique pour moi. C'est probablement un des meilleurs groupes de prog qui a émergé de Québec, Dagmar, un album que j'ai eu le plaisir de produire il y a 18 ans, en 2001. Et c'est probablement le plus beau de mes projets à l'époque, parce que j'avais une maison de disques qui s'appelait Ipso Facto, et puis c'est un de mes plus beaux projets. Et puis je fouillais dans mes boîtes aujourd'hui, je me suis dit, ah mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Et donc, ce soir, on écoute Dagmar, As Far As We Get, deuxième album et malheureusement le dernier album de ce groupe qui avait beaucoup de potentiel. Malheureusement, ça n'a pas poursuivi. Et c'est très, en tout cas, moi je trouve ça une belle perte, mais bon, c'est ça la vie. Et puis, ben, c'est notre dernière demi-heure, et puis après ça, ben, c'est l'autoroute, mais en attendant, il y a encore une bonne demi-heure de musique. C'est qu'on y va avec Dagmar. When I try to explain the way that I act, hiding We'll be right back. Seven Miles to Pittsburgh, ça c'est le nom du groupe, et l'album Revolution on Hold. Et puis on avait commencé notre dernier bloc musical avec Dagmar, un groupe de Québec, défunt groupe de Québec du début des années 2000, avec leur second album As Far As We Get. Et puis, il nous reste le temps d'une pièce. Donc, écoutez, je remercie Jacques d'avoir fait la route avec moi ce soir. Ça a été un plaisir. Et puis, écoutez, on vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. On va écouter pour finir. Je vous invite aussi, évidemment, à venir faire un tour sur notre page Facebook. Il y a toujours plein de nouvelles. Et vous allez avoir plein de nouvelles aussi sur le festival Terre Incognita là, qui aura lieu là, des 15, 16 et 17 mai, toujours au Centre d'art La Chapelle. Et parlant du festival, on va vous quitter avec une pièce de La Mascara di Chera qui sera à Québec le 17 mai. Un retour après 10 ans d'absence. Jacques, c'est la pièce de 7 minutes et... Parfait. s'ajuster. Écoutez, on va vous laisser avec une pièce de La Mascara di Chera sur l'album Luxade, un de mes préférés. Et revenez-nous. Et c'est Vincent dans quelques minutes avec l'autoroute. Restez des nôtres. Thank you.